territoires s'alignent encore. Chacun reçoit sa portion. Siméon, Issachar, Zaboulon, Dan et Azée sous ta main en action. Tu montres que nul n'est oublié, que la promesse a plusieurs visages, et que chacun trouve sous ton regard un héritage à son image. Ton plan n'est jamais uniforme, il est personnel et profond. Tu donnes à chacun sa place, selon ta sagesse et ton cœur. Tu ne construis pas ton peuple sur la jalousie ou l'erreur. Tu donnes à chacun sa place, sans comparaison ni hasard. Car ton royaume se tisse par ton amour et ton regard. Et Josué reçoit à la fin un héritage simple et discret. Car ceux qui servent fidèlement ne cherchent pas en premier les palais. Il reçoit Timnathéra en montagne, une terre sans éclat apparent. Mais riche de la paix profonde que tu donnes au cœur obéissant. Tu donnes à chacun sa place, selon ta sagesse et ton cœur. Tu ne construis pas ton peuple sur la jalousie ou l'erreur. Tu donnes à chacun sa place, sans comparaison ni erreur.